Que te dis nous pas sembler, nous montrer, oh, c'est pas vrai, pas vrai, pas vrai. Que te dis nous pas privé, nous montrer, oh, c'est pas vrai. Oh non, non, qui est romanti, qui même pas causé pour aller. Nous sommes pas aimés, on est votre fille. Mais qu'on peut y pas, j'aime ces filles. Par en dire, pas avec Dieu de nos familles. Avec Dieu de nos familles. Bagay ki go, anti an soufans soubran.